Section 14 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 14. Le serment. Le baron de La Roche-Boisseau occupait au château de Mercoire une grande chambre tendue en tapisserie à personnages et éclairée par deux fenêtres aux embrassures profondes, aux vitres en losanges garnies de plomb. Il était couché dans un lit à baldaquin, dont les rideaux de camieux, entr'ouverts, laissaient voir sa figure pâle et décomposée. Son ami Legris demeurait constamment auprès de lui. D'heure en heure, un chirurgien que l'on avait mandé, vu la gravité du cas, venait compulser le pouls ou écouter la respiration haletante du malade, et ses prescriptions étaient exécutées à la diligence de sœur Magloire, qui, confiante dans sa propre expérience en médecine, ne se gênait pas pour les modifier à son gré. Depuis le matin, tous les hôtes du château de Mercoire avaient envoyé leurs domestiques ou étaient venus eux-mêmes s'informer des nouvelles du baron. Mais sauf les personnes dont nous avons parlé, nul ne pénétrait dans la pièce où se trouvait le blessé. Son état était des plus graves et ce mouvement continuel autour de lui n'eût pas manqué de le fatiguer cruellement. Aussi, maître et valet s'arrêtaient-ils dans une antichambre presque aussi vaste que la chambre elle-même, et qui ne se désemplissait pas. Parmi les visiteurs, les uns s'entretenaient à voix basse de l'issue probable de la maladie et de sa cause mystérieuse. Les autres épiaient au passage sœur Magloire et le docteur afin d'avoir les informations les plus fraîches. D'autres, enfin, par la porte restée grande ouverte, cherchaient à entrevoir le blessé, qui par intervalle ne pouvait retenir des gémissements. Quand la jeune châtelaine entra, l'antichambre se trouvait donc plein de monde. Christine donnait le bras à son écuyer d'honneur. Elle était accompagnée du père Bonaventure et de Léonce, que le prieur, dans un but secret, avait voulu associer à cette visite officielle. Un mouvement de surprise se manifesta dans l'assemblée, dès que parut Mademoiselle de Barjac. Peut-être, en effet, soupçonnait-on la vérité, et cette démarche contredisait les différentes versions qui s'étaient répandues sur l'origine de la blessure de La Roche-Boisseau. Christine avait un maintien calme. Ses traits exprimaient tout juste le degré de sympathie et de pitié que devait lui inspirer un gentilhomme blessé fortuitement sur ses domaines. Sa tenue était d'une convenance parfaite, comme eût dit le chevalier de Magnac. Du reste, elle ne donna pas le temps de faire des observations. Elle salua les assistants avec une politesse gracieuse et passa rapidement. Tous les coups s'allongèrent, toutes les oreilles se tendirent pour saisir ce qui allait se dire chez le malade, mais cette curiosité fut déconcertée. Un remuement de meubles, puis un chuchotement inintelligible se firent entendre, et ce fut tout. Ceux qui purent jeter un regard dans la chambre virent les personnes qui venaient d'entrer assises autour du lit et causant tranquillement avec le blessé. Aucun éclat de voix, aucun mouvement extraordinaire se produisit pendant le cours de l'entretien. On remarqua seulement que Magnac et la sœur Magloire se plaçaient avec obstination entre les curieux et les acteurs principaux de cette scène. Cependant, l'émotion de ceux-ci, pour être contenue, n'était pas moins vive. Le baron, malgré la douleur et la fièvre, conservait toute sa connaissance. À la vue de Christine, il se fit soulever par Legris, qui se tenait à son chevet, et prononça quelques mots à voix basse, tandis que ses lèvres décolorées formulaient un faible sourire. De son côté, Mademoiselle de Barjac ne put s'empêcher de tressaillir quand son regard tomba sur cet homme si beau, si fier, si joyeux. La veille encore, si brillant dans son riche uniforme de lieutenant de louveterie, et qui maintenant, blême, languissant, la poitrine oppressée, semblait n'avoir plus qu'un souffle de vie. En songeant que ce terrible changement était son ouvrage, la jeune fille oubliait l'injure, pour ne songer qu'à la rigueur du châtiment. Elle s'assit dans un fauteuil qu'on s'était hâté d'avancer et balbutia les yeux baissés. « Je suis affligée, monsieur, cruellement affligée de vous voir dans ce fâcheux état. Mais j'ai mérité mon sort, répliqua la Roche-Boisseau, fort bas. N'est-ce pas là ce que vous vouliez dire ? Aussi, mademoiselle, poursuivit-il en s'animant un peu, combien je vous suis reconnaissant de votre démarche actuelle, bien que peut-être elle n'ait pas eu pour mobile unique votre intérêt pour moi. Elle me donne l'espoir que vous pourrez encore me voir sans haine, sans colère, et que vous daignerez m'accorder mon pardon. » Christine détournait la tête avec confusion. Des larmes coulaient de ses yeux. Le blessé reprit après un silence. « Me serais-je trompé ? De grâce, mademoiselle, répondez-moi. Toutes les personnes qui nous écoutent sont, je le sais, dans la confidence de ma faute. Dites, mes souffrances actuelles n'expient-elles pas un moment d'égarement ? Dois-je donc mourir avec votre inimitié ? » Mademoiselle de Barjac ne put résister davantage. « Eh bien, je vous pardonne, répliqua-t-elle, et puisse le ciel vous pardonner comme moi. Mais vous ne mourrez pas, je l'espère. Vous vivrez pour être reconnaissant de votre générosité, acheva le baron, épuisé en retombant en arrière. Le père Bonaventure prit la parole. De sa voix onctueuse et pénétrante, il encouragea le baron à faire un retour sur lui-même, à reconnaître ses torts, et s'il le fallait, à mourir en bon chrétien. Le malade, qui avait un moment fermé les yeux, les rouvrit tout à coup et dit avec un sourire sardonique : « Vous savez, mon révérend père, que nous ne pouvons nous entendre sur aucun point. Merci donc de vos avis. Que je vive ou que je meure, je compte vivre ou mourir en homme. Mais si cette blessure devait m'être fatale, je regretterais seulement de laisser la belle et pure jeune fille qui vient de me pardonner avec tant de noblesse, exposée sans défense à de noires machinations dont elle sera probablement la victime. » « Des machinations, monsieur, des machinations ?» répéta Léonce d'une voix étouffée en se levant à demi. Mais il n'eut pas besoin du regard sévère que lui jeta son oncle pour comprendre l'inopportunité de son intervention et se rassit en rougissant. Le baron, en dépit de Legris, qui le suppliait de se calmer et de se taire, dit avec ironie au neveu du prieur : « Je m'explique aisément la vertueuse indignation de monsieur Léonce pour les ignobles menées dont je parle, mais cela changera sans doute. Comment pourrait-elle être vue sous les mêmes couleurs par ceux qui en souffrent et par celui peut-être qui en recueillera le fruit ? » Ce trait empoisonné, décoché à l'adresse de Christine et à celle de Léonce, parut les frapper l'un et l'autre en plein cœur. La figure de mademoiselle de Barjac exprima une sorte de colère et celle du jeune homme l'étonnement, le doute et l'inquiétude. Content de l'effet qu'il avait produit, la Roche-Boisseau allait risquer encore quelques mots perfides quand le prieur se leva brusquement. « Une plus longue visite, dit-il, pourrait fatiguer, monsieur le baron. Il est temps de nous retirer. Je souhaite vivement que notre hôte se rétablisse, car si je ne me trompe, le pardon des injures et la charité chrétienne ne l'ont pas encore suffisamment préparé à comparaître devant son juge. » Tout le monde était debout, à l'exemple du prieur. Christine, au moment de se retirer, s'approcha du malade et lui tendit la main qu'il pressa contre ses lèvres. « Guérissez-vous bientôt, monsieur le baron, dit-elle avec émotion, et personne, je vous le jure, ne verra votre rétablissement avec plus de bonheur que moi. Je guérirai, Christine, répliqua la Roche-Boisseau. De même, oui, je guérirai pour vous aimer toujours et pour vous défendre contre vos ennemis. Le jeune châtelaine retira vivement sa main en balbutiant. Je ne puis accepter dans ces termes. Je ne dois pas vous laisser croire. Un bruit de voix et de pas qui s'éleva tout à coup dans l'antichambre l'empêcha d'achever sa pensée. On eût dit qu'un grave événement venait d'arriver de ce côté. Au milieu d'un murmure confus, éclataient des plaintes et des sanglots. Le chevalier et sœur Magloire s'avançaient pour demander la cause de ce tumulte subit, quand les curieux refluèrent dans la chambre. Parmi eux, on reconnut le garde général Fargeau et le valet Grandpierre. Fargeau, complètement dégrisé, était bien changé depuis la veille. Malgré son énorme corpulence, tous ses mouvements avaient une vivacité fébrile. Son visage était pâle, décomposé, sillonné de larmes. Ses vêtements étaient couverts de boue et humides, encore de la pluie du dernier orage. Grandpierre, dans un désordre peu différent, semblait également bouleversé et terrifié. Derrière eux, se pressaient en désordre toutes les personnes du château. Mademoiselle de Barjac, irritée de cette invasion, courut au-devant de ceux qui entraient. « Que voulez-vous ? » demanda-t-elle. « Comment ose-t-on pénétrer ainsi ?»« Ah, mademoiselle, ma bonne maîtresse, » dit Fargeau, en tombant en genoux. « Vengez, ma fille, ma pauvre fille. » « On dit que vous vous êtes montrée bien bonne pour elle, hier au soir, pendant que moi, mauvais père, ivrogne et sans âme, j'étais la cause de son malheur. Mais puisque vous-même, vous ne pouvez plus rien pour ma pauvre Marion, vengez-la du moins, vengez-la, je vous en supplie. » Et la douleur, secouant sa robuste organisation, lui arrachait des cris aigus. Christine commençait à entrevoir quelque chose d'horrible. « Allons, calmez-vous. Fargeau, reprit-elle, que me parlez-vous de votre fille? Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas venue ce matin au château, comme elle me l'avait promis? Elle n'y reviendra plus jamais, s'écria le garde. Christine attendait avec anxiété l'explication de ses paroles. Son regard tomba sur Grandpierre et parut l'interroger. « Ce n'est pas ma faute, mademoiselle, je vous le jure, » dit le valet avec désespoir, en répondant à cette sollicitation muette. « J'ai ponctuellement exécuté vos ordres, mais mon absence a duré bien plus longtemps que je ne pensais. La nuit était noire, j'ai roulé plusieurs fois dans des ravins. J'ai dû traverser à la nage le ruisseau de Plainval. À Cransac, il m'a fallu de longs pourparlers. » avant de décider ce poltron de cabaretier à m'accompagner avec son garçon et son âne. En revenant, nous avons été retardés par mille obstacles. Aussi, lorsque nous sommes enfin arrivés à l'endroit où nous devions trouver le garde et sa fille, le jour commençait à poindre et le malheur était accompli depuis longtemps. Quel malheur ? Demanda Christine. Vous ne voulez sûrement pas dire qu'il est arrivé malheur à Marion. Où est-elle donc? Pourquoi ne la vois-je pas? Morte, murmura Grandpierre. Morte et dévorée par cet exécrable animal. La bête du Gévaudan, que l'enfer le confonde, s'écria Fargeau. Les jambes de Christine se dérobèrent sous elle, et elle tomba presque anéantie dans un fauteuil. Alors, Grandpierre, se mit à raconter en détail comment Marion avait refusé de quitter son père ivre dans les rochers pelés, tandis que lui, Grandpierre, allait chercher des secours au village voisin, et comment il avait trouvé au retour Marion morte et à moitié dévorée, non loin de son père endormi. « Oui, oui, » dit Fargeau avec égarement, « j'étais là, seulement à quelques pas, et je n'ai pu étendre la main. » poussait un cri pour sa défense. J'ai un souvenir confus de l'avoir entendu m'appeler à son aide. Mais un sommeil de plomb engourdissait mes membres et d'ailleurs ma fatale ivresse. Oh, je suis bien punie. Ma femme est morte de chagrin, et ma fille, ma chère Marion. Pourquoi la bête féroce, au lieu de me l'apprendre, ne m'a-t-elle pas pris, moi, qui ne suis bon à rien sur terre? Cet homme si vulgaire, si ridicule, même dans les circonstances ordinaires de la vie, était sublime, en ce moment, de sentiments paternels. La conscience tardive de ses torts, les circonstances horribles qui avaient accompagné la mort de sa fille, donnaient à son désespoir le caractère le plus navrant. Ses cris, ses sanglots faisaient frémir les assistants et leur arrachaient des larmes. Mademoiselle de Barjac, plus que personne, était accessible à de pareilles impressions. Sa douleur, contenue encore par le désir de connaître toutes les particularités de cette lugubre aventure, ne pouvait manquer d'éclater, bientôt, en transport impétueux. « Est-on sûr, du moins ?» demanda Christine, « que la bête seule. « Oh, pour cette fois, mademoiselle, » dit Grand-Pierre, qui devina sa pensée, « la bête est seule coupable. Ce matin, quand nous avons retrouvé le corps, nous nous sommes mis à explorer les alentours. Le sol était humide, et nous avions un beau revoir. De tous côtés, on distinguait les empreintes d'une large patte, et nulle part des empreintes humaines. À quelques centaines de pas seulement du lieu de la catastrophe, nous remarquions des traces de pieds nus à côté des traces de loups. Nous les avons suivies un moment, mais bientôt nous les avons perdues dans la forêt. L'homme et le loup allaient d'assurance, comme s'ils avaient pris un grand parti, ou même comme s'il se disposait à quitter le pays. Fargeot écoutait ces explications d'un air sombre. « Miséricorde !» s'écria-t-il. « Quelle créature humaine eût voulu du mal à ma chère Marion ? Elle était si douce et si bonne. Tout le monde l'aimait. On parle de Jeannot, mon ancien valet, mais Jeannot est complètement inoffensif. Il n'a d'autre manie que de se croire lui-même un loup. Je le menais à ma guise, en lui parlant avec douceur et en flattant sa folie. Jeannot connaissait Marion depuis son enfance et il l'eût plutôt protégée contre ce terrible animal. Oui, oui, c'est le loup qui est seul auteur de ce désastre. Mademoiselle, vous qui êtes si riche et si puissante, ne ferez-vous rien pour venger ma fille, pour délivrer vos domaines du fléau qui les désole? Ces dernières paroles semblèrent exalter jusqu'au délire la colère et la douleur de mademoiselle de Barjac. « Que veut-on que je fasse ? » s'écria-t-elle en trépignant. « Mes amis et mes serviteurs sont atteints sans cesse autour de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'apprends un nouveau malheur, une perte nouvelle. Moi-même, hier, j'ai couru les plus grands dangers et j'ai pu me croire à mon dernier moment. Ce matin, on m'annonce que la généreuse enfant, chez qui j'avais trouvé un asile, vient de périr à son tour, de la manière la plus cruelle, et je ne puis rien, rien. Toutes les entreprises pour délivrer le pays de cette bête enragée avortent misérablement. Elles déjouent toutes les poursuites, toutes les ruses. Un pouvoir surnaturel la protège. Il la rend invulnérable. Elle vient encore d'échapper aux poursuites de plusieurs milliers d'hommes. Il est vrai que des circonstances funestes. Mais bon Dieu, que puis-je, moi, pauvre femme éperdue, terrifiée, à bout de patience, de force et de courage? Elle rêva pendant quelques secondes. Tout à coup, elle releva la tête. Son œil s'était desséché. Une énergique résolution brillait sur son visage. « Si, si, » reprit-elle avec force, « je puis quelque chose et j'en ferai l'essai. Ce sera en même temps un moyen de déconcerter les influences importunes et tyranniques dont je suis obsédée. Écoutez-moi donc, tous, » poursuivit-elle d'un ton solennel. « Le gouvernement a promis des honneurs et des sommes d'argent à celui qui tuerait la bête du Gévaudan. Eh bien, moi, je jure de donner ma main et ma fortune à tout homme de condition, non servile, qui viendra les réclamer en prouvant, d'une manière indubitable, qu'il a tué cette effroyable bête. Ce serment était spontané, et Christine, en le prononçant, avait obéi seulement à son impétuosité naturelle. Mais à peine était-il achevé qu'elle parut en entrevoir elle-même les nombreuses et terribles conséquences. Elle pâlit et retomba en arrière en se cachant le visage. Les assistants, d'abord muets de surprise, élevèrent la voix pour exprimer les sentiments que leur inspirait cette résolution extraordinaire. Le prieur domina le bruit. « Christine, malheureuse enfant, qu'avez-vous fait ? » s'écria-t-il. « Révoquez ce vœu absurde, ce serment indiscret. Il en est temps encore. Songez au malheur inévitable. » Mais cet appel du moine parut endurcir davantage le cœur de Mademoiselle de Barjac. « Je ne le révoquerai pas, » s'écria-t-elle avec obstination. « Je le maintiens au contraire de tout mon pouvoir. » « Ah ! Christine, Christine !» dit Léonce à son tour avec désespoir. « Vous n'aimez donc pas ? Vous n'avez donc jamais aimé ?» Cette simple question troubla la jeune fille, plus que tout le reste, mais elle garda le silence. Toute l'assemblée était dans une vive agitation. Qui sait combien les paroles de la belle et riche châtelaine éveillaient déjà d'ambition, excitaient de rivalité, ouvraient d'horizons brillants et nouveaux à la plupart de ceux qui les avaient entendus. Au milieu de ce tumulte, une voix demanda du fond de la chambre. « Et moi, mademoiselle, et moi, me sera-t-il interdit d'aspirer à la précieuse récompense qui attend le vainqueur de la bête ?» C'était La Roche-Boisseau qui venait de faire cette question. On le voyait lui-même penché sur le bord de son lit, l'œil inquiet, la poitrine haletante. « Je n'ai excepté personne, » répliqua Christine d'une voix sourde. « Alors, je veux guérir, je guérirai, » s'écria le baron. Le chevalier de Magnac se glissa près de lui. « Avant de vous mettre de nouveau à la poursuite de ce maudit loup, dit-il à voix basse, « souvenez-vous que vous m'avez promis la faveur d'une rencontre. J'y tiens beaucoup, je vous assure. » Mais La Roche-Boisseau ne l'écoutait pas. « Si je vous ai bien compris, mademoiselle, » disait quelqu'un à côté de lui, « votre serment n'exclut pas les bourgeois, enfin ceux qui ne sont pas nobles de l'honneur d'aspirer à vous. Je n'exclus, monsieur Legris, que les personnes de condition servile. » Et Christine s'évanouit dans son fauteuil. Comme chacun s'empressait autour d'elle, Magnac s'approcha de Legris à son tour. « Vous savez, monsieur, lui dit-il, toujours à voix basse, qu'aussitôt que votre ami n'aura plus besoin de vos soins, je compte vous frotter d'importance. Vous n'êtes pas encore seigneur de Mersoir. » On transporta Mademoiselle de Barjac à son appartement. Le prieur, qui la suivait avec Léonce, et sœur Magloire était consternée. « Quelle fatalité, disait-il, quand je croyais avoir prévenu tous les obstacles, tous les dangers, ce funeste serment vient renverser mes projets. Je m'attendais bien, mon révérend père, disait sœur Magloire en pleurant, à quelque fâcheuse rechute, mais qui pouvait prévoir celle-là. De son côté, Léonce murmurait avec désespoir. « Elle est perdue pour moi. » Fin de la section 14, lue par Margot.